Alex, salut! Salut! T'es en mission en fin de semaine et pas n'importe comment! Undercover! T'étais là! Oui, monsieur. QS! Vendredi, samedi, dimanche. Sans ton chandail de Radio X. Ben avec une cible dans le dos, là. Mais y avait t'avais ton manteau parce que t'es venu vendredi. C'est Force Media, là. Oh, ah. Quand même. Ben, en fait, j'étais pas undercover. C'est juste que vous aimez bien jouer le thème, là. Mais ben, t'étais affiché. À visage découvert. À visage découvert. On t'a reconnu. Oh, ben... Les journalistes t'ont reconnu, en tout cas. Le fait saillant de la fin de semaine, c'est que les journalistes se prennent vraiment pas pour de la chenoute, là. Raconte. Si t'étais au congrès en fin de semaine, tu sais que Bernard Drinville vient de s'acheter une maison sur le bord du fleuve, là. On était en arrière, puis ceux en avant l'entendaient, là. Ah oui, il parle fort? Tabarnouche. Je me suis acheté une maison! Tout le monde est au courant, là. T'as 300 dans la salle, tout le monde le sait, là. Belle maison sur le bord du fleuve, là. Mais au-delà de ça, il y avait quand même du... Ça sent la prétention. Tabarnouche, c'est quelque chose. Au royaume de la gauche caviar. On sait qu'il a acheté une maison sur le bord du fleuve, puis on sait que lui, Luc Lavoie, ça fait deux. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Ouais, et ça va pas? Je t'en reparlerai. Ouais, le petit Hitler, ça a pas fait, hein? Mm. Non, ça a pas fait. Ça a pas fait. On va y aller en ordre chronologique oui. Des choses, là. Comment suis-je ça, prêt, d'abord? Suis-je prêt? Pas pour toutes. Je suis prêt pour une partie, là. Okay. Vendredi, on a commencé ça, c'était le Conseil national de Québec solidaire au Cégep Limoilou, campus de Charlebourg. Et vendredi, donc, c'était les discours des deux porte-paroles, les deux députés de Québec, Sol Zanetti et Catherine Dorion. On a entendu tantôt un extrait de Catherine Dorion qui parlait du capitalisme. On y reviendra tantôt sur le capitalisme. Je vais te faire entendre Sol Zanetti qui parlait des animateurs radio dans son discours. Nous sommes fiers d'appartenir à Québec solidaire, ce parti-mouvement qui va transformer le Québec. On trouve ça beau, on a raison. Notre projet nous unit, et ça, il faut jamais perdre ça de vue. On se sent ici moins seul que lorsqu'on est pogné dans notre char et qu'on écoute des animateurs radio nourrir le ressentiment. Oh, ben oui. God, yeah. Juste pour y passer un petit... y en passer une petite vite à matin pour déjeuner, là. C'est nous autres qui avons raison. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a raison. Vous aimez ça? Être populiste? Ah, le peuple. Ouais, parfait. Le peuple, il veut un troisième lien. Ça en donne de même. Savez-vous quoi? Le troisième lien? Ben, il y en aura un. Parce que les gens ont voté. Comme les gens ont appuyé Legault, ne vous en déplaise, concernant l'histoire de la laïcité. Quand tu te places du bord du monde, tu te trompes jamais. Par contre, quand tu te la joues, on est du bord du monde et qu'on roule à l'envers du trafic sur l'autoroute, là, on se trompe. Et ça peut finir mal. Ouais, c'est ça. C'est qu'il se la joue. On sait ce qui est bon pour le monde. C'est ça. C'est surtout ça qui me fait attention. Je t'amène samedi 15h. On vient de voter sur les signes religieux, ce qui veut dire que tous les journalistes sont partis parce qu'ils ont écrit leur article puis ils retournent chez eux faire leur patente. Mais il y avait une conférence sur le plan de Québec solidaire concernant les changements climatiques. Oh boy. Et celui qui est à la tête de ce mouvement-là au sein de Québec solidaire, c'est un gars qui s'appelle Simon Tremblay-Pépin. Le Sharknado en chef. Et je t'invite à entendre un premier extrait de Simon Tremblay-Pépin qui parle des actions que Québec solidaire va poser dans les écoles au cours des prochaines semaines. D'être entouré d'étudiants et d'étudiantes, pas du cégep, comme quand on sortait en 2012, puis en 2005, puis en 96, non. Pas de l'université non plus. Du monde du secondaire. Puis je sais pas si vous avez vu la réaction des jeunes du secondaire face à Manon. Mais ça témoigne d'une responsabilité qu'on a. On va organiser des camps de formation spécifiquement pour les étudiants et les étudiantes parce qu'on pense qu'il faut les mobiliser. On va organiser des camps de formation pour se mobiliser autour du climat. Au secondaire? Des camps de formation. Des camps de formation. Un genre de camp de redressement peut-être un peu aussi. Ah, vous avez pas compris? Ouais, c'est ça. Vos parents écoutent Radio X, on va vous rincer les oreilles, nous autres. On va vous montrer comment ça fonctionne. Vers des séries de nouveaux, des bons profs révolutionnaires gauchistes, j'en ai eu, et avant moi, il y en avait aussi, là. Donc, c'est pas nécessairement différent. Sauf que là, on augmente la chaleur du poêle un peu, là. On y va avec des camps de formation. Ça sonne particulier, camp de formation. Ça sonne militaire, camp de formation. Ça sonne pas bien. Camp de formation secondaire. On va vous montrer comment réfléchir. On va vous montrer comment penser. Donc, du bon Sharknado, Ils vont inviter peut-être Red Champagne, peut-être. Est-ce qu'ils sont ensemble, Red Champagne et eux autres? Là, il me semble qu'il y a une communion. Il y a deux semaines, Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois faisait une conférence avec Red Champagne. C'est un duo. C'est comme George Harrison a fait des duos avec Eric Clapton. Tu sais, des fois, ils se croient. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est comme des duos. Tu sais, il y a une communauté, là. Ils s'appellent, puis tout ça. C'est comme un genre de Live Aid. Je vais faire entendre Tommy. Un autre extrait de Simon Tremblay-Pépin qui dit que le plan, c'est clair. Ils disent, là. On va créer une crise politique de toutes pièces sur le climat. Sinon, on s'organise. Et s'organiser, c'est pas parce qu'on dit ultimatum 1er octobre 2020 que c'est là qu'on va commencer à faire des affaires. Il faut avoir fait monter la pression jusqu'à ce qu'on se rende à une situation où la crise climatique devient une crise politique. C'est notre responsabilité collective de créer cette crise. Si lui la voit pas, il va falloir lui mettre d'en face. Écoute-moi bien, moi, Tipit. Il n'y en aura pas de crise climatique, puis il n'y en aura pas de crise politique. C'est-tu clair? C'est-tu clair? Il faut que tu te réveilles de bonne heure anti-péché pour la créer, ta petite crise climatique de mai 2. Eh, boy, des camps de formation. On surveille ça de près, là. Ce serait peut-être bon que les parents se réveillent aussi, by the way, sur ce que vos kids apprennent à l'école. Commission scolaire, ça a-tu encore des responsabilités? Directeur d'école, non? Qui va faire rentrer des gens de Québec solidaire dans les écoles secondaires? C'est toujours bien les mineurs, by the way, au secondaire. Cégep aussi. Première année de cégep, t'es mineur. Oui, mais là, lui, il parlait du secondaire. Ouais, mais... Moi, ça m'intéresse. C'est surtout le bout de ça, le secondaire qui est problématique. Ouais, mes kids sont au secondaire, là. Qui va les laisser rentrer? We're watching you. On va prendre en note les noms des directeurs d'école. On va prendre en nom les noms des directeurs d'école. Et on va prendre en nom les noms des écoles qui organisent des camps de formation. C'est pas fini, cette affaire-là. 8h36. Je sais pas. Avez-vous monté le chauffage? Oh, toi, arrête-moi ça. Il y a le quoi? Il y a un stunt. Ouais, c'est ça. Un stunt? C'est dommage qu'on ait pas le Facebook Live. Il y a un chandail, ça s'appelle The Revolutionary Ideas of Karl Marx, Winter School, Marxist Winter School, Montreal. C'est là où t'es... Ça, c'est ton vieux T-shirt. Là, il nous donne des macarons. Non, là, ça, il faut prendre ça en photo. Tu peux-tu prendre ça en photo, Dan, et mettre ça sur le Facebook? À moins que je le fasse. Je vais le faire rapido presto. C'est où t'as acheté ça? Non, mais ça, ça n'a pas de bon sens. C'est le logo des Canadiens avec... mélangé avec le marteau et la faucille, le symbole... Prends une photo d'Alex, c'est too much. C'était... Le symbole communiste. D'après moi, il y aura du monde au Canadien de Montréal qui aimera pas bien ça. Là. Moi, j'ai les 200 ans de Marx. J'ai pas acheté ça sur Amazon, j'ai pas acheté ça dans la rue. J'ai acheté ça à l'intérieur des murs du cégep Limoilou. C'était en vente au Congrès de Québec solidaire. Faites où? Je sais pas. Fabriquez où? Faudrait que Dan regarde. Ouais, je vais regarder. Ça m'intéresse. Je pense qu'il faut faire toucher le dos pendant... Ah, mais regarde, il faut faire bien attention. C'est-tu fait au Venezuela? Ça serait juste... Faites au Honduras! Mais on sait que les conditions de travail au Honduras sont impeccables. Exact. Exactement. Fabriquées par des petits esclaves aux petites mains. La raison pour laquelle je fais 6 pieds 3 et j'ai un small, c'est qu'on m'a dit hier que tous les autres avaient été vendus. Ah! Ça a été vendu, ça veut dire qu'on fait de l'argent avec ça. Les gens de la riposte socialiste qui ont vendu ça. Mais jamais. J'ai écouté un extrait de ma conversation avec la présidente. La riposte socialiste, c'est vraiment un mouvement politique qui se bat pour les idées socialistes au Québec, principalement les idées marxistes. Et dans le fond, la riposte socialiste, c'est vraiment un contingent dans Québec solidaire. Donc, une organisation qui fait partie de Québec solidaire pour défendre les points de vue socialistes afin que Québec solidaire développe plus ces idées-là. Okay. Vous, le capitalisme, vous en pensez quoi dans notre société? Nous, on est pour l'abolition du capitalisme, désolé. Pour le remplacer par? Par le communisme. Ben oui. Voyons donc! Bang! Mais on vend des t-shirts. Laisse-moi vérifier. Juste un autre fois. Ça veut. C'est pas que je veux te toucher, là? Ouais, il a pris goût. Je pense qu'Alex, il a pris goût de toucher dans le dos. Le Gildan, c'est exactement ça. C'est très drôle. Le t-shirt que t'as acheté, aux couleurs de Karl Marx, est fabriqué par la compagnie Gildan, au Honduras. C'est facile. Gildan, Honduras, j'ai juste écrit « Bad Work Conditions ». C'est comme écrit dans le ciel... que si tu travailles dans une usine de t-shirts au Honduras, tu fonctionnes à coups de pied dans le cul. C'est ça, j'ai pas le grand mérite tantôt quand j'ai lancé ça, là. Tu sais, c'était pas une hypothèse, qui fait folle. Le 27 novembre 2014, une enquête du Globe and Mail, Gildan Workers in Haiti and Honduras, complain of harassment and pay too meager to live on. Eh ben, en joie le vert! Là, les communistes font fabriquer leurs t-shirts au Honduras à l'usine Gildan où les travailleurs sont maigres comme des chicots. Ils ont pas assez d'argent pour vivre et ils se font harceler à grands coups de pied dans le cul et à grandes claques en arrière de la tête. Qu'est-ce que je te dis, toi? Retourne à ta machine à coudre. Eh ben, en joie le vert. Fait que là, je vous remets... Nos bons communistes hypocrites. Je vous remets on est au congrès, au Conseil national de Québec solidaire. Il y a un kiosque de la riposte socialiste. Je parle à la fille de la riposte socialiste qui me dit « On est un contingent à l'intérieur de Québec solidaire. On fait partie de Québec solidaire. Ouais. » Mais moi, je me dis, je vais poser... Je suis un journaliste, t'sais. Là, je dis, mais est-ce que... Ben, je me dis, peut-être qu'ils sont dans Québec solidaire, mais que c'est la peste. Peut-être qu'ils sont détestés. Peut-être que... Tu sais, ça se peut, là. C'est possible. Fait que je pose la question. Est-ce que vos idées sont bien reçues à l'intérieur des Québec solidaire ou vous êtes détestés? Et quand vous parlez de communisme à l'intérieur de Québec solidaire, c'est reçu comment? Est-ce qu'il y a une réticence? Est-ce que c'est bien reçu? C'est sûr que le socialisme dans Québec solidaire va être vraiment bien reçu. Il y en a certains qui vont voir le communisme un peu négativement vu l'histoire. Par contre, souvent, les idées vont être quand même assez bien reçues. Fait qu'il y en a un peu qui sont contre le communisme, mais eux autres, ça vont des assemblées générales de Québec solidaire. Pour laver des cerveaux. Et c'est très bien reçu. Le communisme. Oui, c'est clair. C'est clair. Hey, Gildan, il y a quelqu'un qui me l'a... Effectivement, Jean-Philippe, j'y avais pensé, mais merci de nous le rappeler. C'est la compagnie qui a sacré son camp d'ici et que les syndicats ont dénoncé. Donc, Gildan, aucun respect pour les lois québécoises du travail, sac son camp en sauvage. Mais Gildan est la compagnie choisie par Riposte Socialiste pour faire fabriquer ses t-shirts au tiers-monde dans une usine où les travailleurs crèvent de faim et fonctionnent à grands coups de pied dans le cul. Wow! Un marxiste de même, là, t'en vois pas souvent. Je te fais entendre un membre de Québec solidaire, Alexandre Pouliot-Roberge. À un certain moment, il était question des élections fédérales, qui le parti devrait appuyer. Finalement, on a pris la décision de pas appuyer qui que ce soit. Mais il y a des membres qui disaient, OK, on n'appuie personne, mais il va falloir en attaquer d'autres. Et voici ce que ce membre-là avait à dire concernant Maxime Bernier. Il va falloir s'opposer à ceux auxquels on doit s'opposer. En Beauce, là, il y en a un qui a fait des déclarations dernièrement par rapport au fait qu'il imposerait le pipeline aux Québécois. J'imagine qu'en Beauce, les militants beaucerons vont être sur le terrain, puis quand cette personne-là va s'en aller dans toutes sortes de circonscriptions au Québec, qu'on va être là. Alors, ouais. Voilà. Non, ça, ils vont être dans nos faces, mais en même temps, faut pas prendre ça toujours au pied de la lettre. Je vais y répondre tout de suite, là, pour ce qui est des militants de QS en Beauce, là. Ça devrait être tranquille. Là. Effectivement. Hein? Travaillé là longtemps, là, puis Québec solidaire. Là, non, ça lève pas beaucoup. Non, ça va être carré. Ça lève pas beaucoup. On poursuit notre chronologie des choses. On est rendu à peu près dimanche. Là, c'est presque la fin. Discours de Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, qui sont les porte-paroles. Et by the way, le chef, là, Gaétan Châteauneuf, là, c'est la seule personne qui était constamment... sur le stage de vendredi à dimanche après-midi. C'est le grand chef du Politburo. Il était constamment là. Sur les présentations, des fois, il y a des amendements qui disaient « modifié par Gaétan ». On disait « on votera pas là-dessus parce que ça avait été modifié par Gaétan ». Marx. Celui qui dit publiquement qu'il est pas le chef se fait appeler sur le micro « le chef ». Le camarade. Lui était constamment là. Finalement, les porte-paroles ont fini par sortir dimanche. Voici ce que Gabriel Nadeau-Dubois avait lancé comme message à la CAQ. Mes amis, en 2019, là, on ne peut plus plaider l'ignorance. La CAQ ne peut plus plaider l'inconscience. Et quand le jugement va tomber, M. Legault, M. Charrette, vous serez reconnus coupables de négligence générationnelle et de l'avenir du Québec. C'était gros. Non, regarde, c'est très enfant. Ouais. Hey, mes parents, vous m'avez pas donné ci, vous m'avez pas donné ça, vous êtes des écœurants, on a déjà entendu ça. Regarde, c'est du bon GND. J'aime ça, moi. C'est du bon GND vintage. À la sauce carré rouge. Ça faisait longtemps que je l'avais entendu. Ah, à fin de semaine, là, c'est mieux que n'importe quel film sur Netflix. Peu importe ce que vous avez écouté comme série, là. Le show, c'est moi qui l'ai eu. Il te fait bien, le T-shirt? C'est un small. Dangereusement bien. Pour finir, je vais te faire entendre Maxime Lheureux, qui était candidat aux élections internes, qui s'adresse de façon très particulière à ses membres. Également au poste de responsable à la mobilisation, Maxime Larue. Camarades, je suis vraiment fébrile d'être ici. Mes amis, mes camarades. Alors voilà, les camarades. Très bon. Non, non, regarde, sont fiers, sont contents. Sauf que les amis, Gildan ou Honduras, ça marche pas, là. Vos t-shirts, fais-là, vraiment. Regarde, il n'y a pas plus capitaliste comme move que ça. Il n'y a pas plus capitaliste que ça. C'est-à-dire une bonne usine où les travailleurs sont payés 25 cents par jour, ou presque, crèvent de faim. Parle-moi de ça, toi. Faut quand même faire du cash, hein? Ah oui. Marxisme, regarde. T'as un bon deal, Gildan, en Honduras, on est fait là. Puis en passant, sur mon t-shirt, il n'y a pas de taxe. Ah ouais, gadon? Ah ben, gadon? Très bon. Merci beaucoup, Alex. Yes. Puis ta blonde, ben, t'as verra une autre fois. Elle voulait te voir en fin de semaine. Capable d'attendre. Ah, mais quand t'as vu le t-shirt, quand elle a vu Alex avec son t-shirt small, elle a fait, c'est tout oublié. C'est incroyable. Allez sur le Facebook de Morel Live. Tous les détails sont là.